remettre les choses à plus tard. C'est aujourd'hui que ça finit. J'suis rendu ben trop vieux pour perdre mon temps. Ça suffit. Fini les conneries la nuit puis dormir l'après-midi. C'est ici aujourd'hui que commence ma nouvelle vie. Incapable. Et de mon rayé de mon vocabulaire. Terminer les paroles en l'air. Ce que je veux faire, je le faire. La vie c'est pas si compliqué, il s'agit juste de s'impliquer. S'appliquer. Faut se dédier, pas faire les choses à moitié. Finir ce qu'on entreprend et se fixer des objectifs. Réaliste. L'avenir nous appartient. Réaliste. Pour partir en voyage, pas besoin de valise. Il faut un rêve et s'assurer qu'un jour il se matérialise. Si j'avais jamais rien risqué, j'aurais jamais indiqué. Si j'avais jamais rien tenté, j'aurais jamais rien chanté. On commence tout ça quelque part et c'est jamais trop tard. Surtout pour bien faire. Et c'est un nouveau départ. J'emmerde le destin, je prends ma vie entre mes mains. Demain c'est jamais garanti. Le temps nous file entre les mains. On fait tous des mauvais choix. Laissez ça derrière soi. Je crois en Dieu, je crois en toi. Mais encore mieux, je crois en moi. J'emmerde le destin, je prends ma vie entre mes mains. Demain c'est jamais garanti. Le temps nous file entre les mains. On fait tous des mauvais choix. Laissez ça derrière soi. Je crois en Dieu, je crois en toi. Mais encore mieux, je crois en moi. Si je vis pas dans misère, c'est parce que je fais ce qu'il faut faire. Pas de parents qui me back derrière. Je suis un petit gars fier qui gère sa propre situation financière. Pas millionnaire, mais qui se pile une coupe de mille, c'est clair. Je veux une piole avec un gazon vert, un disque bûche comme un coup de tonnerre. Une coupe d'années étant que j'en perds. Laisse-moi te mettre les choses au clair. Encore présent les deux pieds sur terre. Encore le même burn avec autant de nerfs. Aucune barrière m'arrête, j'école comme une navette. En saut de mon chemin, sinon ça va être laid. J'ai le feu au cul comme un pilote de jet. On se bat pour la victoire, on évite la défaite. Même si la vie est rough, au fond de l'abandon, je la rejette. Pas question que je vive avec. Je me rends jusqu'au bout, accidenté de la route. 347 vols dans mon cœur, mais j'suis encore debout. Reste des choses à accomplir et pas toutes. Peu importe que ça me coûte. Parce que j'aime de rien, j'ai rien à foutre. J'emmerde le destin, j'prends ma vie entre mes mains. Demain c'est jamais garanti. Le temps nous file entre les mains. On fait tous des mauvais choix. Laissez ça derrière soi. Je crois en Dieu, j'crois en toi. Mais encore mieux, j'crois en moi. J'emmerde le destin, j'prends ma vie entre mes mains. Demain c'est jamais garanti. Le temps nous file entre les mains. On fait tous des mauvais choix. Laissez ça derrière soi. Je crois en Dieu, j'crois en toi. Mais encore mieux, j'crois en moi. Écoute, reste attentif, la vie te parle. Il faut seulement t'ouvre tes yeux. Il faut que tu restes sur tes gardes. Il faut que tu prennes des risques. Des fois, faut que tu prennes ce qui passe. Mais qu'à l'occasion se présente, faut pas que t'as manque. Faut que tu montes tout ce que t'as dans le ventre. ADN, on débarque. L'occasion, on va la prendre. On a trop de choses à raconter. On peut pas rester dans le silence. Les pas prendre la place. Je voudrais pas que ça change. Faut que je rappe. Y'a pas une journée qui passe sans que j'y pense. J'suis prêt à tout pour obtenir ce que je veux. Prêt à foutre le feu. Rien à foutre, j'ai pas froid aux yeux. Prêt à tout pour mourir heureux. J'ferai tout ce que je peux pour obtenir ce que je veux. T'es trop précieux. Pas de temps à perdre avec un faux dieu. J'veux réaliser mes rêves avant d'être trop vieux. J'mise tout sur moi-même, j'suis ambitieux. On est jamais mieux servi par soi-même. Tant que j'serai en vie, y'aura jamais personne qui va m'empêcher de faire ce que je veux. Aucune barrière m'arrête, j'école comme une navette en saut de mon chemin. Sinon ça va être laid, j'ai le feu au cul comme un pilote de jet. On se bat pour la victoire, on évite la défaite. Même si la vie est rough, au fond de l'abandon, j'la rejette. Pas question que j'vive avec. Écoute, reste attentif, la vie te parle. Il faut seulement t'ouvre tes yeux. Il faut que tu restes sur tes gardes, il faut que tu prennes des risques. Des fois, faut que tu prennes ce qui passe. Mais qu'à l'occasion se présente, faut pas que t'as manque. Faut que tu manques tout ce que t'as dans le ventre. J'emmerde le destin, j'prends ma vie entre mes mains. Demain c'est jamais garanti. Le temps nous file entre les mains. On fait tous des mauvais choix. Laissez ça derrière soi. Je crois en Dieu, j'crois en toi. Mais encore mieux, j'crois en moi. J'emmerde le destin, j'prends ma vie entre mes mains. Demain c'est jamais garanti. Le temps nous file entre les mains. On fait tous des mauvais choix. Laissez ça derrière soi. Je crois en Dieu, j'crois en toi. Mais encore mieux, j'crois en moi. I spent too many nights wasting my life. Now I'm trying to make things right. I spent too many nights wasting my life. Now I'm trying to make things right. I spent too many nights wasting my life. Now I'm trying to make things right. I spent too many nights wasting my life. Now I'm trying to make things right.